Ezagoya, Ezagoya, Ezagoya, Ezagoya, Ezagoya, Ezagoya, Ezagoya, Ezagoya, Nali, Helicopter, Ezagoya, Nali, Nali Kolo, Fenomena, Wera Sone, Joya Mbaya, Wera Mbaya, Yewana, Yewana, Yewana, Otosho, Wana, Mamaye, eye mabe, e baby mamaye, Loris la Congolaise to yebi. Como la Patricia alias Wera son ingama Noel. Bentenge photo. Yambaya Noël Werason Ngiama Nadine Mwamba Déclo Domitila Baba ou photo Pesa respect la mouto le kyo na ba plein. Fanfare na Bercy. Na présenté car album na kusana pipa bon vivre en go. Kadidi kadidi kampui abusika busika bugabush abugabushi kampumpu kaya seya sofe sofe seya danse danse na legi na rompa Victor baye bingaye na legi na rompa masina baye bingaye mama na koma na rompa kitambo. Petit balobi, tozoliate, ah kadile, aya aya, tozoliate, ah kadile, aya aya, tozoliate. Ya solo, est-ce vraiment la baoliate? Non c'est ngakaka. Na va faire nyo sa maison mère, balé matin soutenir ngai. Jaloux na zamba muningate. Sentiment sa tumba ngali metite. Et si na sopeli zamba mai. Na minute yo za son. Nga mo we ran son ya mo sina na minute yo. Na binaite. Na binaite. Na minute yo za ngai. Na se nga kaka. Na se nga na Roger Maema. Grand puissance, allez maintenant soutenir Ngaï. Photo Joël, Mbetenge. Bah, on mbate, pour moi, ma pire maison mère. Naébi Bangosé. Merci. Bon allez bis. Ok, on y va, bis, bis encore. qui? Les Zagoya. Merci. Kamatana ba soso na yo. Kamatana ba. Alors bosu bomona ki affiche ses bimi. Bercy na septembre. Kuswa na pipe zoya. Premier album na ye ya vie. Bon boko yoka. Kibou sans pipa. Premier album y a vie. Nazo yo kate. Système akuswa na pipa.